بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Que toutes les louanges soient à Allah, Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, et que les bénédictions et les saluts d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. D'abord, j'aimerais m'excuser pour le retard, parce qu'en fait, j'ai terminé un point important en fait, sur ce cours. Donc, jazakumullah khair pour votre patience. Hier, nous avons commencé le sujet qui est très très important. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce sujet-là avant de commencer aux autres sujets. C'est en ce qui concerne l'iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et plus précisément, aqsam al-tawhid wa aman al-umma, les catégories d'unicité d'Allah, de monothéisme, et la sécurité de la communauté musulmane. Et on avait vu que c'est parce que le monothéisme, c'est pour le monothéisme, le pur monothéisme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout l'univers et a envoyé les prophètes et messagers. Et celui qui applique sincèrement et correctement la correcte croyance, eh bien celui-ci aura la paix et la sécurité dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et la preuve se trouve dans le verset dans Sourate Al-An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun » Ceux qui croient et qui ne corrompt pas, qui ne mélangent pas leur croyance avec n'importe quelle injustice, eh bien, ceux-là auront la paix et la sécurité dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et on avait dit que les compagnons, sahaba, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander quel est le sens de l'injustice. Et il leur a répondu « Zulm huwa shirk » dans ce verset, c'est-à-dire le polythéisme, c'est-à-dire adorer ou invoquer autre qu'Allah, ou placer sa confiance en autre qu'Allah, ou aimer quelque chose comme on devrait aimer Allah, ou craindre les gens comme on devrait craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui ne va pas corrompre sa croyance avec n'importe quel type de polythéisme, eh bien celui-là, il aura la paix et la sécurité dans cette vie-là et dans l'au-delà. Et nous avons vu aussi que c'était le but d'envoi des messagers. Et c'est le but aussi de la création. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni besoin de la piété des gens pieux ou de la désobéissance des gens qui veulent le désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien ni de personne, il s'autosuffit. Ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah subhanahu wa ta'ala yani est au-dessus de toute sa création, il n'a besoin de personne, mais c'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans la suite du verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun", je ne veux d'eux ni provision, ni à ce qu'ils me donnent à manger ou quoi que ce soit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Razzaq. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui fait ce qu'il veut faire. Il n'a pas besoin de nous, mais nous, nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi que l'on fasse comme acte d'adoration, nous devons le faire comme nous disons hier, nous avons insisté sur ce point-là, qui doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que l'on fait. On renouvelle à chaque fois notre intention que quoi que l'on fasse, ça doit être fait pour Allah, pas pour que les gens disent de nous. Et on avait vu dans le détail avec Sifat al-Munafiqin, les attributs des hypocrites, comme on avait vu. Et donc, nous allons continuer en fait sur ce point. Et on avait terminé sur le point que l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, qui était l'étudiant de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui avait dit que tout le Coran est sur le monothéisme, le tawhid, l'unicité. Parce que du début jusqu'à la fin, eh bien, c'est à propos du monothéisme. Parce qu'il avait dit que soit Allah subhanahu wa ta'ala nous renseigne sur son pouvoir, sur ses noms et ses attributs. Et eh bien ça c'est, il a dénommé Tawhid al-Ilmi, c'est-à-dire qu'il nous donne une connaissance sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire et qui est Allah. Il nous donne Allah subhanahu wa ta'ala une connaissance sur cela. Et eh bien ça fait partie aussi du Tawhid, il a dénommé Tawhid al-Ilmi. On prend connaissance sur ce type de Tawhid. L'autre type, c'est Tawhid al-Amali, dans le Coran qu'on peut trouver, c'est quoi? C'est que Allah ordonne ces gens, yani les humains, de ne l'adorer que seul, d'adorer qu'Allah, de ne rien lui associer, et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien ça fait partie de ce qu'il a dénommé de Tawhid al-Amali. Yani dans le Coran, c'est que ça parle de, déjà là nous renseigne sur lui, sur le fait qu'il est qu'unique, que c'est le seul créateur, c'est le seul qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut. On a une connaissance sur ça. On a une connaissance sur les ordres qu'Allah nous donne, le fait que nous devons adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous renseigne aussi sur le fait, eh bien, la récompense pour ceux qui appliqueront le tawhid d'Allah, qui seront des purs monothéistes, yani dans toutes les ibadat qu'ils font, dans tous les actes d'adoration qu'ils font, ils renouvellent leur attention, c'est que pour Allah. Pas pour le cousin, ou là pour le voisin, ou là pour je ne sais pas qui. Ou là pour le frère qui rentre dans la mosquée, ou les frères qui sont assis. On doit renouveler notre attention que ça doit être que pour Allah. Eh bien, celui qui va agir correctement, qui va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va n'adorer qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe sur les récompenses au paradis qu'il y aura, et sur le fait qu'ils seront paisibles dans leur cœur, dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà. Dès qu'on dit paisible, ça ne veut pas dire automatiquement tu seras un milliardaire. C'est pas ça. Il y a des gens qui sont milliardaires et c'est les plus pauvres de la planète dans leur cœur. Ils ne connaissent même pas le bonheur jusqu'à ce qu'ils en arrivent à se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur. Ils cherchent le bonheur sans savoir où est-ce qu'il est. Et c'est ça. Et donc, le point c'est quoi? C'est que cette personne-là qui va appliquer ça, eh bien, la récompense c'est quoi? Elle sera paisible dans son cœur. Même si elle a rien, même si elle vit avec vraiment très peu. Son cœur, il sera tranquille. Elle peut dormir tranquillement, avec la conscience tranquille, qu'elle n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul et qu'elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala aussi, en quatrième point, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala nous informe sur le châtiment de ceux qui refusent d'unifier Allah dans leur adoration. Ils veulent adorer par exemple des tombes ou des statues ou quelqu'un d'autre avec Allah. Ou ceux qui veulent adorer des prophètes. Je lisais d'ailleurs qu'il y en avait qui essayaient de trouver la tête du prophète Yahya, alayhi salam, lorsqu'il a été décapité. Qui aurait été enfoui en fait sous une mosquée, et il disait qu'elle aurait été à Damas, en Syrie. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens en fait qui veulent jusqu'à arriver à un point à essayer d'adorer ce prophète-là. Ils disent qu'il a été envoyé par Allah, et donc en fait ils tombent dans la même chobha que les Nasara sont tombés, que les chrétiens sont tombés. C'est-à-dire parce que lorsqu'ils voient un miracle d'Allah, eh bien ils ne vont pas obéir au prophète certainement, ils vont se mettre à adorer le prophète au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien tous ceux qui refusent de se soumettre à Allah seul et de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous informe sur leur châtiment, sur ce qu'ils auront dans cette vie-là et dans l'au-delà. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِشَةً دَنْكَ. Dans surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui se détournent de mon rappel aura une vie difficile et pleine de gêne. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ رَبِّ لِمَا جَعَلْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Oh Allah, pourquoi m'as-tu rendu aveugle alors que j'étais voyant? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَلَهُ مَعْشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى. Donc celui qui se détourne de mon rappel aurait une vie pleine de gênes, pleine de difficultés. Et le jour de la résurrection, il sera aveugle. Il dira: oh Allah, pourquoi m'as-tu rendu aveugle alors que avant je voyais? Et Allah subhanahu wa ta'ala dira: كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Comme mes versets et mes preuves te sont parvenus, eh bien tu t'es détourné et tu les as oubliés, eh bien aujourd'hui nous t'oublierons. Comme tu nous as oubliés, dans la vie d'ici-bas. Et bien Allah l'oubliera dans l'au-delà. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, le cinquième type, c'est qu'ou bien Allah subhanahu wa ta'ala nous informe eh bien, sur le paradis et ce qu'il contient. Yani, pour ceux qui auraient appliqué ce tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui attend aux gens de l'enfer pour ceux qui se seraient détournés du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, du pur monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout le Coran c'est sur le tawhid. Et ici les ulama ils insistent sur un point. Ils disent, si Allah subhanahu wa ta'ala dans tout le Coran insiste que l'adoration ne doit être qu'à Allah et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est par cela qu'il faut commencer dans la da'wah. Hein? Subhanallah. Et ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas commencé d'aller voir les gens en leur disant tu dois prier. Tu vois? Ou bien tu dois être gentil avec ton voisin. Ça, ça fait partie des branches de l'islam. Ça fait partie de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas par ça qu'il faut commencer. Ça ne sert à rien d'inviter une personne à venir prier si elle ne sait même pas qui est Allah et où est Allah et que toutes les adorations ne doivent être faites qu'à Allah. Il va peut-être venir pour te faire plaisir dans la mosquée et prier de la ka'at. Pourquoi? Pour qui? Pour toi. Pas pour Allah. C'est pour ça que lorsque quelqu'un fait de la da'wah, il doit tout le temps commencer par cela. Mais commencer par cela, c'est pas on va commencer par cela en faisant semblant de commencer par cela. C'est commencer par cela en expliquant avec la correcte explication. C'est comme on disait hier, lorsque à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala énumère dans le Coran. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Eh bien, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit خلق أنعم, il a créé, il a donné, il a fait. C'est pas pour convaincre les gens qu'Allah c'est le créateur. Mais c'est pour remettre dans la conscience des gens que lorsque tu sais que c'est Allah qui t'a créé, donc ne voue pas l'adoration à autre qu'Allah. C'est ça. C'est pour ça que la ilaha illallah ça veut dire la ma'bouda bihaq illallah. Nul ne mérite l'adoration en vérité excepté Allah. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Comme Bouddha, comme les statues, comme les croix, comme je sais pas quoi, les rats, les serpents en Inde, les vaches, même en Inde, ils ont une vache. Et même si elle bloque la route, ils n'ont pas le droit de la toucher, ou là de lui parler, ou là de quoi faire quoi que ce soit. Si tu es comme ça, tu es chez toi et la vache elle rentre chez toi, tu dois la laisser. Tu ne dois pas la toucher. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça c'est un ilah à eux. Tu vois, c'est une divinité à eux. Ils sont en train de vouer une adoration à autre qu'Allah. Tu vois? Et ça, c'est la plus grosse des injustices. Ces gens-là qui font ça, ils ne se rendent même pas compte qu'ils respirent, que leur cœur batte, qu'ils voient et tout ça, qu'ils ont, comme on disait hier, qu'ils peuvent différencier les goûts au niveau de leur langue. Et ils vont vouer une adoration à autre qu'Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsque Luqman, qui est un rajul salih, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il parlait à son fils, « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. » Oh mon fils, n'associe rien à Allah, car le polythéisme, l'associationnisme est la plus grosse des injustices. Et donc, on avait vu sur ce point-là. Donc, on va continuer, Inch'Allah, parce qu'en fait, ce sujet est très très important sur des erreurs que sont faites par nombreux, en fait. Et donc, on était arrivé, en fait, sur... on avait terminé sur ça. Donc, qu'est-ce que, en fait... les différents types de tawhid. Parce que j'avais oublié de mentionner un hadith, pardon, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad au Yémen, radiallahu anhu, pour faire la da'wah à qui? À Ahl al-Kitab, aux gens du livre. Il y avait des juifs, des chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose que tu les, yani qu'ils entendent de toi et que tu les invites, c'est quoi? C'est le témoignage de la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite l'adoration en vérité excepté Allah. Et dans une riwaya, il y a فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Que la première chose que tu les invites, c'est qu'ils unifient Allah dans leur adoration et qu'ils ne lui associent rien du tout. Et donc, comme je disais, le tawhid, c'est la première des commandes et c'est la première chose que tous les peuples ont entendu de leurs prophètes et messagers. La première chose que les peuples ont entendu de leurs messagers. Ya qawm, abudullah, ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à adorer, excepté lui. Et celui qui applique le tawhid, c'est aussi, il va avoir aussi le succès dans cette vie-là et de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sauvera aussi. C'est pour ça que Dhunnun, Younes, lorsqu'il était, prophète Younes alayhi salam, lorsqu'il était dans le gros poisson, quelle était l'invocation? C'est La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a nulle divinité qui mérite l'adoration en vérité, excepté toi, oh Allah, j'étais parmi les injustes. Parce qu'en fait, ce qu'il avait fait, c'est que il n'avait pas patienté avec son peuple refusait la da'wah, et donc il a décidé de quitter son peuple sans avoir eu l'autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsqu'il est monté dans le bateau allait couler, ils ont fait un tirage au sort, ils ont dit, et c'est venu à chaque fois sur lui, trois fois. Il a dit, bah recommencez. Eux, ils ne voulaient pas le jeter, parce qu'ils disaient, oui, t'es un homme bien et tout, on ne veut pas te jeter à la mer. Et donc, à chaque fois, ça tombait sur lui, donc, ils ont dit, bon, je pense que, voilà, ça doit être moi qui dois être jeté. Donc, ils l'ont jeté, puis il a été avalé par ce gros poisson. Allez. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que si le prophète Younes, alayhi wa sallam, n'aurait pas fait cette invocation, qui commence avec le tawhid, le monothéisme. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il serait resté dans ce hout, dans ce poisson, jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. Donc maintenant, quelles sont les différentes catégories de tawhid, de monothéisme? Et qu'est-ce que c'est exactement? On sait que l'iman billah, comment ça s'appelle, l'iman, la foi, elle est constituée de six piliers. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadri sharihi wa khairihi lakin min 'indillah. Donc que tu crois en Allah, en ses livres révélés, en ses prophètes envoyés, en tous les anges qui ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. En tous les anges créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais, mais ça provient d'Allah. Et entre parenthèses, les Raqida, les Shia, ont changé, ont enlevé le premier pilier de l'iman, qui est l'iman billah, ils l'ont remplacé par l'iman bil-imamiyya. C'est-à-dire que tu dois croire à leurs 12 imams. Donc ils ont remplacé la foi en Allah par la foi en 12 imams. La hawla la quwwata illa billah. Donc, et ça, le iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de tout ce qui va suivre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqara, « Amana al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun. Kulluhum amanu barakallahu fi kulluhum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. » Donc, le prophète, le messager, a cru en ce qui a été révélé de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils ont cru en Allah. Tu vois? Ils ont cru en Allah. Ils ont cru en tout ce qui a été révélé et envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui dit qu'il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la correcte, eh bien, il va avoir la foi en tout ce qui a été envoyé et révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout provient d'Allah. Les livres, ça a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes et messagers, ça a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fixé un temps. Et le destin bon ou mauvais, eh bien, il ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est quoi en fait l'iman billah? La foi en Allah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste croire que Allah existe, ou bien oui moi je crois que Allah c'est le créateur. Ça se limite pas à ça. Ça fait partie Yani, ce sont des points, mais ça ne se limite pas à dire que je crois qu'Allah c'est le créateur. Donc c'est des croyants. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que l'iman billah s'est constitué de quatre points. L'iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, s'est constitué de quatre points. Premièrement, croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la fitra, de l'instinct naturel de toute personne lorsqu'elle naît. Tu vois? Yani, même les kuffars eux-mêmes croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Yani, je donne cette anecdote-là, c'était dans les finales de Champions League, la Ligue des Champions. Et les joueurs qui étaient à la finale, pour tirer le ballon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Subhanallah, j'ai vu ça, je dis Subhanallah. Tu vois? Ils savent la vérité. L'un des joueurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé dans les cieux comme ça. Il devait se dire, tu vois? Wallah, le fait que je gagne cette finale, Wallah. Tu vois? Subhanallah. Il regarde parce que ça fait partie de l'instinct, de la fitra. Tu vois? Que les gens croient en Allah, subhanahu wa ta'ala, l'existence d'Allah. Il n'y a que les arrogants qui renient ça. Il n'y a que les arrogants. Comme Pharaon. Pharaon. Parce qu'il disait, Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre plus haut seigneur. Je ne connais pas d'autre seigneur à part moi. Mais ça, c'est par son arrogance, parce que lui-même, au fond de lui, il savait que Allah l'avait créé. Donc, premier point, ça contient l'existence, yani qu'on doit croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça contient aqsam al-tawhid, les catégories de tawhid. Premier point, deuxième point, je vais dire. Premier point dans les catégories de tawhid, mais deuxième point, si on continue dans les quatre points, donc de la foi en Allah, c'est constitué de ça. L'existence en Allah subhanahu wa ta'ala, puis aqsam al-tawhid. Aqsam al-tawhid, les catégories de l'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-iman bi wahdaniyatillah fi rububiyyatih. C'est la foi que Allah est l'unique Seigneur. Tu vois? Yani, l'unicité dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'est le seul Seigneur, c'est qui? C'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Al-iman bi wahdaniyatillah fi asma'ihi wa sifatihi. La foi en Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a les parfaits noms et attributs. L'asma wa sifat qui sont que à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et on va voir ça dans le détail parce qu'il y a beaucoup de sectes qui ont divisé en fait sur ce point-là. Le tawhid de l'asma wa sifat. Et le troisième point, c'est l'iman bi wahdaniyatillah fi uluhiyatih. C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui mérite l'adoration. Le seul digne d'adoration, c'est qui? C'est Allah. Si on te dit pourquoi? Parce que c'est le seul créateur. C'est lui qui m'a créé, pourquoi j'irai adorer autre chose? Pourquoi je vais me... Un frère en Algérie, d'Algérie, pardon, il m'avait dit qu'il y avait des gens qui allaient voir une pierre. En fait, elle était taillée, elle avait comme une forme de bouche. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une cuillère avec des trucs à manger, puis ils le mettaient au niveau de cette bouche et ils attendaient comme ça. Parce qu'ils pensaient qu'en fait, cette pierre-là pouvait leur donner du risque ou protéger leur maison. Tu comprends? Subhanallah. Yani, par exemple, des choses comme je vous disais qui paraissent pour nous évidentes. Effectivement, il nous a créé, ça lui mérite l'adoration. Eh bien, pour d'autres, ça ne l'est pas. Hein? Pour d'autres, ils croient qu'une pierre, elle peut avoir une influence dans leur vie. Qu'un mort, attention, ne parle pas sur ce wali, sinon il va venir, il va faire une misère, ou bien il va te rendre des malheurs dans ta maison, ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? L'islam, ce n'est pas des khurafettes. Ce n'est pas des histoires à dormir debout. L'islam, c'est le Coran et la sunna selon la compréhension des compagnons. Ça, c'est l'islam. On sait sur quoi on tient. Ça veut dire. Et donc, ça, c'est ces trois types d'unicité sont appelés aqsam, tawhid, qui font partie de l'iman billah. Donc, l'iman billah, la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est constitué de ça. L'existence en Allah et des catégories d'unicité. Que Allah, c'est le seul Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui possède, qui détient les meilleurs noms et attributs. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite l'adoration. Et donc, on va voir le premier type de tawhid. Je disais hier que le tawhid, ça provient de wahada, yuwahidu. Le verbe wahada, c'est unifier. Yuwahidu, c'est quelqu'un qui unifie. Tu vois? C'est comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu vois? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوا إِلَيْهِ أَيُّوَحِدُ اللَّهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. La première chose que tu les invites, c'est qu'ils unifient Allah dans leur adoration et qu'ils ne lui associent rien du tout. Donc, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. En fait, c'est une croyance complète et totale. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul créateur. C'est le seul qui donne, le seul khaliq, razzaq, al-mun'im, al-mudabbir, yani celui qui donne, celui qui décide de ce qu'il veut faire, celui qui est capable de faire ce qu'il veut faire. Le seul, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le khaliq, il n'y a pas d'autre créateur. Il n'y a pas d'autre créateur. Le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? C'est pour ça que même les... Ça me faisait penser en fait à une anecdote de ce que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il avait écrit dans ses livres. Il parlait en fait des gens qui étaient yushhidu bi wujudillah, c'est-à-dire qu'ils reniaient l'existence d'Allah. Ils reniaient l'existence d'Allah. Il leur dit, mais regardez quand même. Il leur disait, regardez, subhanallah, regardez cette terre, ces arbres, les différentes couleurs des poissons sous l'eau, les différentes espèces d'oiseaux, d'animaux, subhanallah. Regardez comment que les humains ils sont différents, subhanallah. Et malgré cela, vous reniez qu'il y a un créateur suprême. Et eux, ils disaient, oui, on renie ça. Donc, il leur disait, vous reniez tous ces bienfaits-là. Ils ont dit, oui, on renie ça. Donc, tout, c'est en fait, toute cette création, elle est venue toute seule comme ça. Ils ont dit, oui, c'est convaincu. Donc, il leur a dit, eh bien, si je vous disais qu'il y avait un bateau qui navigue dans les océans, ok, يعني سفينة تكون في البحر. Et les vagues qui sont très fortes, mais malgré ça, il n'y a personne qui la dirige. Et elle est remplie de marchandises. Et personne n'a mis ses marchandises dans le bateau. Et ils étaient en train de dire, c'est pas possible. Vous avez compris ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ils se sont contredits. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à croire qu'un bateau navigue tout seul. Ils n'arrivent pas à croire que personne n'a mis tout ce risque dans ce bateau. Et qu'il est tout seul comme ça. Et ils disaient, c'est pas possible. Et bien donc, il leur a fait en fait une preuve devant eux que, eh bien, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, tout ce risque qui est mis sur terre, eh bien, c'est pas venu tout seul. Tu comprends ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ مِنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre ? Dis, c'est Allah. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dit, Alhamdulillah, yani que les louanges soient à Allah, le Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient. Dhalikum Allahu Rabbukum. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala votre Seigneur. Lehul mulk, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est votre Seigneur. C'est Allah votre Seigneur. Et ce que vous adorez en dehors d'Allah ne possède pas. Ne possède pas en fait la pellicule d'un noyau de date. Ceux que vous êtes en train d'adorer en dehors d'Allah ne possèdent pas la pellicule d'un noyau de date. Ils ne peuvent rien créer, mais ils sont créés. Et ce qu'il y a en fait, donc comme je disais précédemment, c'est que les mouchtikines et les kofars, les polythéistes et les mécréants, ne renient pas ce type de tawhid. Ils croyaient en Tawhid al-Rububiyya. Ils savaient que le seul créateur, c'est Allah. Le seul qui donne, c'est Allah. Le seul qui fait ce qu'il veut faire, c'est Allah. Le seul qui protège, c'est Allah. Vous savez ? Ça, ils le savaient, ils ne le reniaient pas. Excepté les arrogants. Vous savez ? Mais ce qu'ils reniaient, c'est que l'adoration ne doit être qu'à Allah. Eux, ils adoraient autre qu'Allah pour se rapprocher d'Allah. Vous savez ? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, ils veulent prendre ça soit pour leur pour qu'ils intercèdent pour eux le jour du jugement, ou soit pour se rapprocher d'Allah. Ben voilà, c'est un wali, ben moi je vais demander à lui et lui il va dire Allah, donc je vais me rapprocher de lui. D'Allah, par quoi? Par son biais. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Donc, l'invocation, elle doit être directe à Allah. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, ce tawhid rububiyya doit normalement mener quelqu'un à unifier Allah dans son adoration. À tawhid al-uluhiyya. Amen. Et c'était comme je disais avec Pharaon, qui disait, lorsque Moussa alayhi salam lui disait, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ. Tu sais très bien, lorsqu'il parlait à Pharaon, tu sais très bien que celui qui a fait descendre en fait ses miracles, lorsque la main de Moussa alayhi salam qui devenait blanche et puis son bâton qui se transformait en serpent, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Et Pharaon n'a pas renié ça. Il n'a pas renié ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Et ils ont renié. Pourquoi? Par leur arrogance. Tu vois? Tout ça par arrogance, ils ont renié en fait une vérité. Qui est une vérité? Mais ils perdent cette vie-là et l'au-delà. Et aussi, il y a un autre point aussi que les ulémas insistent, c'est sur le fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ dans surat Yusuf. Et la majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéiste. Parce que وَلَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ. Ils ne croient la majorité qu'en Allah, c'est-à-dire eux ils croient que Allah, oui, c'est le seul créateur, c'est le seul seigneur, c'est le seul qui peut faire ce qu'il veut. Illa wa hum mushrikun, excepté qu'ils sont des polythéistes, c'est-à-dire qu'ils lui associent quelque chose d'autre dans son adoration. Et donc ça, c'est en ce qui concerne le Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya. Et donc ça, c'est le premier type d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Asma wa Sifat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Qu'est-ce que ça signifie, ça, en fait? Ça signifie, en fait, qu'on doit affirmer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se les ait affirmés. Okay? On va donner des exemples sur Allah. Nous, on doit affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans le Coran ou la Sunna. Okay? Et ceci de la meilleure façon qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en évitant quatre choses. On va affirmer ce qu'Allah affirme, mais on doit éviter quatre choses. Al-tahrif, qui est changer le sens. Al-ta'til, qui est renier le sens. Al-tamthil, qui est en fait faire des parallèles avec Allah subhanahu wa ta'ala, et takif, qui est tenter d'expliquer comment est telle ou telle chose. Tu vois? Par exemple, comment est Allah, ou comment est ses mains, ou comment est... Ça finit. Donc c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah, les meilleurs noms et attributs. Invoquez donc Allah avec. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le demander en fonction de l'attribut qui y correspond. Tu vois? Par exemple, tu dis, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ton risque, tes provisions. Tu dis, Ya Razzaq, Orzuqni, par exemple, tu vois? Ou tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la guidée, yani. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire en fonction de chaque nom et attribut, eh bien t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ça. T'invoques Allah par ses noms et ses attributs. Ça, c'est la meilleure façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en mentionnant ses noms et ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أي ما تدعوه فله الأسماء الحسنى. Invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman, le miséricordieux. Famille. Quoi que vous invoquez selon Allah ou Ar-Rahman ou selon les attributs, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a les meilleurs noms et attributs. Et ce qu'il y a, c'est que مثلاً, à la fin de sourate Al-Hashr, il y a 17 noms et attributs, 17 noms qui sont mentionnés d'Allah subhanahu wa ta'ala, 17 Al-Asma al-Husna. Il y en a 17 qui sont mentionnés. Et Ayat al-Kursi, qui est le verset en fait du trône, qui fait partie de, qui est la meilleure, qui est le meilleur verset en fait du Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, contient 5 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Husna et plus de 20 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Ayat al-Kursi est la meilleure ayat du Coran. C'est parce qu'elle contient 5 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut et qu'elle contient 20 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc juste pour ce verset-là, c'est énorme. C'est pour ça que d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était le meilleur verset du Coran. Et Surat al-Ikhlas, qui est l'équivalent à Surat al-Qur'an, au tiers du Coran, a été nommé al-Ikhlas li'annaha ukhlisat li dhikrillah. Les zikrs sifat al-Rahman, parce qu'elle a été mentionnée comme ça, comme l'ikhlas, la sincérité, tu vois, a mentionné les attributs du miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait en fait des compagnons qui ont été envoyés. Il y a un compagnon en fait qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout Syria. Et quand c'était l'heure de la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Donc lui, il dirigeait la prière et à chaque fois, il récitait surat al-Ikhlas, Qul huwa Allah ahad. À chaque raka'a, il récitait celle-là. Et donc les compagnons, ils ont commencé à se poser des questions. Pourquoi à chaque fois il récite que celle-là? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Subhanallah. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, voilà, un tel, il dirige à chaque fois la prière, et à chaque fois, il récitait Sourate al-Ikhlas. Et donc le prophète en fait, leur a dit, allez lui demander pourquoi en fait il récite. Et donc ils sont partis lui demander, et il a dit, لأن فيها صفات الرحمن وأنا أحب الرحمن. Parce qu'elle contient les attributs d'Allah. Et j'aime, elle contient les attributs du Rahman, du miséricordieux, et j'aime le miséricordieux. Donc ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, voilà pourquoi il fait ça, parce qu'il a dit ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, أخبرهو أن حبك إياه أدخلك الجنة. Informez-le que son amour pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait rentrer au paradis. Et donc, c'est pour ça que l'amour de quelqu'un, que quelqu'un aime les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, tu vois, peut être une cause d'entrée au paradis. Il y a un hadith qu'il y a beaucoup qui font de confusion sur ça. Notamment, dès que j'étais là-bas, il y avait beaucoup de Pakistanais qui avaient ce genre de technique. C'est ceux qui vont avoir en fait les 99 les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a que 99. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala en a mentionné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné, c'est qu'il y en a eu 99. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cela. Mais que d'autres vont être révélés, les gens vont être informés le jour de la résurrection sur ce qu'on ne savait pas. Les choses qu'on ne savait pas, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner un savoir dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on dit seulement les noms qui ont été mentionnés dans le Coran et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas inventer d'autres noms en disant, ah bah oui, sachant qu'il n'y en a pas 99, donc on peut lui attribuer ça. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est fait sahihain, Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna lillah 99 اسما mia illa wahid man ahsaha dakhala al janna. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms sans moins 1. Celui, donc je veux dire man ahsaha dakhala al janna, celui qui les récite littéralement, celui qui les récite entrera au paradis. Et donc certains, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne sont pas retournés voir les gens de science pour comprendre ce hadith. Ils ont lu par exemple ce hadith-là, ou bien un imam va dire leur dire ce hadith-là. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter les trucs parce qu'ils vendent ça au bled par exemple. Il y a tous les 99 noms. Ils vont l'avoir ça dans la poche et ils croient que ça va les protéger, ça va leur faire le respect de ça. Et ou bien ils ferment la lumière. Le soir avant de dormir, ils se mettent à réciter, à lire les 99 noms. Et ils croient que c'est bon en récitant, et bien ils vont rentrer au paradis. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ça, en fait, on doit comprendre chno al-murad bil ihsa, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vraiment réciter? Déjà, c'est apprendre les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendre leur sens, tu vois. Et tu adores Allah avec ces noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une personne qui a fait rien de sa vie, ni prière, ni rien du tout, ni ibad, rien du tout. Et puis elle va lire 99 noms, elle croit qu'elle va rentrer au paradis en faisant ça. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne, elle doit comprendre ça, les apprendre et adorer Allah avec ça. C'est-à-dire invoquer aussi Allah subhanahu wa ta'ala avec les esprits aussi faits par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, je donne un exemple. Pour bien comprendre man ahsa. Lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-sami'a, l'audient, celui qui entend tout, mais comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ça? Bien le fait que si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-sami'a, eh bien tu feras attention à ce qui sort de ta langue. Parce que tu sais qu'Allah entend tout. Donc souhaiterais-tu que Allah subhanahu wa ta'ala entend que tu es en train de dire des gros mots, des trucs comme ça? Tu vois, tu crois que ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça va te plaire à certains, ils parlent que des. T'as la vulgarité et tout ça, et tout ça, en pensant que voilà, t'es bien en étant vulgaire. Tu vois? Mais ça, c'est la sunna de qui? Être bien en étant vulgaire? C'est la sunna des kofars. C'est la sunna de la tradition de qui? Des mécréants. Parce qu'à chaque fois quelque chose qui est mauvais, ils rendent. Quelque chose qui est satanique, ils rendent. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est bien. Hein? Et quelqu'un qui est pieux, ils rendent. Quelqu'un qui est. Je sais pas quoi. Il y en a l'opposé. Fabni. Donc le truc c'est quoi? Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-sami' al-basir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'audient, celui qui voit tout, comment tu vas adorer Allah? Tu fais attention à ce qui sort de ta langue. Amen. Et tu dis ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Qul khayr aw usmut. Tu vois? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui veut Allah et le jour dernier, eh bien qu'il dise quelque chose de bon ou qu'il se taise. Parce que dès que tu veux Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier, ça te rappelle que tu vas te faire juger, surtout. Il n'y a rien qui va être oublié, rien du tout. Dans le détail, la personne va se faire interroger sur sa vie en général et sur sa jeunesse en particulier. Et elle va se faire interroger sur son argent, d'où qu'elle l'a eu et où est-ce qu'elle l'a dépensé. Hein? Et donc, c'est de cette façon qu'une personne adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? De plus, lorsque si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Samir, celui qui entend, eh bien, comme on le verra par la suite, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala entend comme nous on entend. C'est pas ça que ça veut dire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien n'est comme Allah, n'est comme lui. Et il est celui qui entend et qui voit. Parce que nous, par exemple, on s'entend ici. Ok? Mais la personne qui est dehors, elle ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Ou on ne sait pas ce que les gens ils sont en train de dire dans la maison d'en face. Ou ceux qui sont en Angleterre, ou ceux qui sont en Tunisie, ou au Maroc. Ou on ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On ne les voit pas. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et entend tout. Il sait ce que les gens pensent, ce que les gens font, ce que les gens disent. Si tous les gens des créatures depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Ils se lèvent tous. Chacun il dit avec sa propre langue. Qui c'est qui a créé les langues? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun il dit de sa propre langue. Il invoque Allah selon sa propre langue. Tu vois? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala saura qui a dit quoi. Wa alaykoum salam wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala saura qui a dit quoi sans rien mélanger. Alors que là, je peux t'assurer un truc. Si je dis à tous les frères de parler tous en même temps, on sait même pas qui c'est qui a dit quoi exactement, tu vois. Qui c'est qui a dit ça et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il y a eu en fait un son qui est très énorme, tu vois. Subhanallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la croyance en fait c'est Tawhid al-Asma aussi fait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, c'est l'iman bil-ism, la foi sur le nom, déjà. Ne pas le renier, comme certains sectes ont fait. L'iman bil-sifa allati dallat alayhi l'ism, la foi sur l'attribut qui correspond au nom. Ok? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Samir, Sifa c'est Sam'a. Ok? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'audient, et bien l'attribut qui correspond c'est que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala entend. Et l'iman, bil hukm, wal qiyam, bil ubudiyya. Et donc c'est la foi en fait, avec le jugement et appliquer correctement ses noms et attributs. Tu vois? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir au niveau de ce Tawhid al-Asma wa Sifat, il y a deux sectes en fait qui ont dévié. En général, puis après il y a d'autres sectes qui se sont apparentées à ça. La première, c'est ce qui est appelé Al-Mu'attila, les annulateurs. On va dire. Et bien en fait, ils renient tout ou certains noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire en fait que le fait d'affirmer les noms et attributs d'Allah, ceci nécessite automatiquement du tashbih. Ça veut dire que tu vas faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani la créature. Bon, ceci est complètement faux. Pourquoi? Parce que premièrement, ça contredirait. Yani, ça veut dire que les paroles d'Allah se contredisent. Astaghfirullah, a'oudou billah. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé Adam de ses deux mains, et quelqu'un il va dire non, tu dis pas main. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce sont les mains comme les nôtres. Mais pourquoi tu vas là? Toi, tu affirmes ce qu'Allah a affirmé. Tu ne fais pas de ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala en disant, en essayant de vouloir montrer des mains ou quoi que ce soit. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il a des mains que automatiquement ce sont comme les nôtres. Tu vois? Ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Samir, celui qui entend, que ça veut dire qu'on va pas dire que Allah veut dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, ok, l'organe pour ça, ça veut dire que c'est lui, c'est l'oreille, donc ça veut dire qu'il aurait des oreilles. Astaghfirullah, pourquoi tu vas là, mon frère? Ouais, il ne va pas là. Tu cites ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Tu le dis sans rien essayer de faire dans ta tête, de vouloir faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, « Laysa ka mithlihi shay, wa huwa sami'u al-basir » Rien n'est comme lui, et il est celui qui est audient et qui voit tout. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point c'est quoi? C'est pas parce qu'en fait il y a des noms et attributs qui sont identiques juste par le nom avec des choses d'une créature que automatiquement ils sont comme celles des créatures. Ok? Parce que on dit que les humains, ils voient. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit. Les humains voient. Ça ne veut pas dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, il voit comme nous. Non. Ou bien lorsqu'il entend, il entend comme nous. Non. Je viens juste de donner l'exemple avec le fait d'entendre. Samir. Lorsque je dis là, on s'entend là, mais on ne sait pas ce que les gens disent là-bas. Ou alors en Angleterre, ou là, je ne sais pas quoi. On se voit là, mais moi, je ne vois pas à travers les murs. Tu vois ce que je veux dire? Ou je vois pas, là je suis en train de voir, en Indonésie, ils sont en train de faire ça. Non, tu vois. Comme par exemple aussi, les humains et les animaux. Ok? On va dire, yani voilà le pied, comment ça s'appelle, les animaux ils en ont aussi, les comment ça s'appelle les le langage, le fait qu'ils parlent, tu vois? Est-ce que ça veut dire que eh bien c'est la même chose? Non. Subhanallah, c'est différent. Rien qu'un animal et un humain, eh bien, ils sont complètement différents. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc c'est quoi? C'est qu'Allah est au-dessus de toute sa création. Et rien ne lui ressemble. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste affirmer ce que Allah dit dans le Coran et ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunnah. La deuxième secte, c'est Al-Mushabbiha. Al-Mushabbiha, qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est que elle essaie de... Les anthropomorphismes, en fait, c'est ceux qui veulent donner, en fait, une forme à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait? Ils vont affirmer les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais ils vont faire des parallèles. Et ils vont dire qu'en fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, parle à ses créatures en fonction de leur compréhension. Et donc, bon, bah, ceci, c'est faux. Pourquoi? Parce que d'une part, les mushabbihah, ceux qui veulent faire ressembler les choses à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut ressembler à Allah, à ses créatures. Ceci est réfuté par quoi? Par la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi par la raison. Parce que d'une part, Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien n'est comme lui et il est celui qui entend, qui voit. Et deuxième point, c'est sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens, comme ils disent, selon leur compréhension. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a le savoir. Yani, et qui connaît le vrai sens concernant son zet, ça veut dire son essence même, et ses sifets, ses attributs. Yani, si Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a deux mains, eh bien nous on va mentionner qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, on ne va pas renier ça. Femni. Mais on ne sait pas comment que c'est. Femni. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et c'est comme je disais avec l'histoire de l'audition. L'audition, eh ben oui, Allah subhanahu wa ta'ala entend, mais l'audition de l'homme et l'audition d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à voir. Tu vois? Pour ça, laïta kamith lihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Il y en a aussi qui vont mentionner, mais ça tombe en fait dans ce qui est appelé l'asha'ira. L'asha'ira, je vais terminer avec ce point-là, inshallah. L'asha'ira, en fait, c'est une secte qui a été fondée qui est apparu au 4e siècle de l'Égypte en fait. Yani, par Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est son fondateur, qu'il ne faut pas confondre avec Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, c'est un compagnon du prophète. En fait. Abu al-Hassan al-Ash'ari, en fait, c'est celui qui a fondé cette secte-là, qui est en fait un dérivé, bon, ça, on verra ça dans d'autres cours, Inch'Allah, mais c'est plus, un peu plus poussé. C'est une autre secte appelée le Kullabiyya. Par aussi, il avait un fondateur aussi qui s'appelait comme ça. Et eux, les Kullabiyya et puis les Asha'ira, ils ont une croyance qui est similaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abu al-Hassan al-Ash'ari s'est repenti avant sa mort en disant que je suis sur la croyance de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Je reviens sur la croyance de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a dit, je me repens comme vous me voyez sortir de ce vêtement-là. Tu vois? Ça veut dire qu'il voulait dire que je me dissocie de ce que j'avais écrit avant. Parce qu'il s'était, en fait, il a été influencé par la philosophie grecque. Tu vois? Et après, il a dit, eh ben, avant sa mort, il s'est repenti et il a écrit un livre qui est l'Ibn en montrant ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Asha'ira, eh ben, ils renient en fait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnés dans le Coran et la Sunna. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قَالَ يَا إِبْلِيسِ مَا مَنَعَكَ أَن تُسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْهِ. Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de mes deux mains? Allah ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, d'une part, qu'il a des mains. Et on doit croire en cela sans essayer de dire que les mains d'Allah c'est comme les nôtres, Allah je ne sais pas quoi, Allah tu vois ce que je veux dire, elles sont situées là, là, là. Non. Et ses mains ne sont pas comparables aux nôtres. On reste à dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme Allah. Tu vois? Donc il nie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait? Ils veulent changer le sens. Ils disent en fait que les mains ont un autre sens. Ils disent que la main d'Allah signifie en fait son pouvoir. Tu vois? Signifie son pouvoir. Donc là, ça commence à être du tahrif. C'est-à-dire on change le sens. Tu vois? Et ça remet aussi en doute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé à Moussa alayhi salam. de vive voix, alors qu'Allah nous dit clairement qu'il a parlé de vive voix à Moussa. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, tu dois pas dire ça, parce que si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé, eh bien, ça veut dire que automatiquement, tu as une bouche. Pourquoi tu vas là? Subhanallah. C'est ce que veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a parlé de vive voix à Moussa, alayhi salam. Eh bien, on dit ce qu'Allah a dit, sans essayer de mettre notre cerveau, c'était comment, voilà, c'était je sais pas quoi. Femme, toi, tu dois juste dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ils disent en fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une voix, et que c'est pas Allah qui parle. En fait, il est muet, tarfilallah, et puis c'est une voix qui est créée par Allah qui parle. Eh bien, en disant ça, sans s'en rendre compte, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, eh bien, ça rejoint une autre secte appelée le Jahmiya. Le Jahmiya, c'est du temps de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a en fait inventé cette croyance que le Coran a été créé. C'est pas la parole d'Allah. Tu vois? C'est parce que disant, celui qui dit que Allah ne parle pas, que c'est pas Allah qui a parlé, il a créé une voix, donc ils veulent dire en fait que le Coran a été créé. Et celui qui croit que le Coran est une création d'Allah, c'est un kafir. Il est mécréant. Il exclut de l'islam. Murtad, apostat, il devient. Parce que le Coran, les versets d'Allah, c'est la parole d'Allah. Et ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Des gens de la Sunnah et du consensus. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas, tomber dans cela. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renier. Certains disent qu'en fait, ils vont croire qu'à 7 noms et attributs seulement, ils vont renier le reste. Et d'autres vont dire, non, en fait, ils ont complètement tout renié. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Sourate Yassine, je termine avec ce verset, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc c'est le verset 65, Sourate Yassine, c'est Sourate 36. Al-yawm nakhtumu ala afwahihim. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il scellera la bouche de certains. Wa tukallimuna aydihim. Tandis que leurs mains nous parleront. Subhanallah. Allah dit clairement qu'il va sceller la bouche de certains et leurs mains se mettra à parler. La main des humains là, va se mettre à parler. Est-ce qu'une main ça a une bouche? La réponse est non. Subhanallah. On sait bien qu'il n'y a pas de bouche. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala la fera parler. Donc, dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam et que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, ça ne veut pas dire automatiquement que toi tu veux dire ah oui, ça veut dire qu'il parle, ça veut dire qu'il a tel organe, ça veut dire qu'il parle, etc. Tu vas pas là. Toi tu dis ce qu'Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, et tu t'arrêtes, et tu commences et tu t'arrêtes là où Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, eh bien tu fais de même. Sans essayer de pousser ta pensée à essayer de tomber dans le tekif, essayer de savoir comment, on verra ça la semaine prochaine, Inch'Allah, pour dans le détail ces points-là, sans essayer comment que c'est, Femni, sans temsil, essayer de s'imaginer comment, le teshbi, c'est-à-dire vouloir faire ressembler les créations au créateur, les créatures au créateur, tu vois, et sans tahrif, sans renier le sens, ou bien modifier le sens. Tu vois, ta'til, c'est aussi, tu vas commencer à modifier comme ils ont fait. Tu dis pas les mains, non, les mains, ça dit la puissance d'Allah. Comme le verset dans Sourate Al-Fajr où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et Allah subhanahu wa ta'ala vint avec les anges, tu vois, qui étaient en rang. Ils vont dire, dis pas ça. Subhanallah, je récite pas le Coran. Tu dois pas dire en fait comme ça. Tu dois en fait, lorsque tu dis, tu dois avoir dans ta tête qu'en fait c'est وَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. Comme ça, il dit, c'est la commande d'Allah qui est venue. C'est pas Allah qui est venu. Donc ça commence à changer à yharfou en fait le kitab n'ta'arabi. Et donc ce sont des erreurs qu'il faut éviter dans Tawhid al-Asma wa Sifat. Et on verra ça inshallah dans le détail samedi prochain. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.